Chapitre 4. Cet été-là, Raymond fit un long séjour en Suède chez un ami. Au retour, vers la mi-septembre, il alla passer quelques jours au Grand Sapin, propriété de son père depuis l'année précédente. Daubré avait décidé sa femme à vendre le vieux logis familial qu'il n'aimait pas et qui représentait pour lui un capital inutilisé. Tout ce qui était tradition, attachement au passé, souvenirs familiaux, demeurait incompréhensible à cet homme, élevé dans le seul culte de sa personnalité, de ses jouissances. Paul avait laissé faire, avec cette indifférence qu'elle semblait apporter à toute chose, depuis son mariage. Les grands sapins étaient donc passés entre les mains du colonel Even, qui n'aurait pu supporter l'idée de voir des étrangers maîtres de la chère vieille demeure où il était né, comme tant d'autres Even, où il avait été élevé avec son cousin, le père de Paul, où il avait vu s'ébattre ses 5 enfants, dont Raymond seul restait. Délaissée depuis ces dernières années, la maison demandait des réparations. C'est pourquoi Raymond venait y passer quelques jours. Des souvenirs doux et pénibles l'attendaient là. L'image de Paul flottait partout et il retrouvait le murmure des paroles tendres échangées entre eux dans les pièces maintenant silencieuses, sous les arbres du petit parc qui avait vu passer la fiancée de Raymond Even, la blonde Paul qu'il aimait pour sa grâce fine et surtout pour ce qu'il lui prêtait de délicatesse morale, de vertu forte. Dans cette même demeure, il avait eu le pressentiment de la volte-face qui se préparait. Ici, Daubré avait préparé le siège sournois qui devait aboutir à la conquête de Paul. Facile conquête, un hocher d'ambition agité devant elle, quelques paroles flatteuses, l'influence de sa mère et toutes les promesses, toute la tendresse tant de fois assurée, gisaient dans l'oubli, sans souci de meurtrir le cœur qui avait cru en elle. Mais dans le vieux logis, Raymond évoquait aussi une autre figure. Partout, il croyait revoir la grâce ardente d'Ariane et entendre son rire léger. À la chapelle des saints, au cimetière, elle était là, avec ses beaux yeux pathétiques, où l'effroi de la vie et de la mort passait pendant quelques brefs instants. Un soir, en venant s'accouder à la balustrade de la petite terrasse, il la revit dans sa mante blanche, sous la douce lumière de la lune. Un long moment, il se perdit dans la contemplation, dans l'enivrement de cette vision. Puis ce fut Ariane en avocate, Ariane en robe rose, assise dans le grand fauteuil en face de lui, avec sa changeante physionomie, la flamme et la douceur de son regard. Il eut un brusque tressaillement. Sa main serra le sapin de la balustrade dont les rugosités s'enfoncèrent dans la peau. Un long frémissement le parcourut, monta son cerveau. L'évidence, tout à coup, le terrassait. Il aimait Ariane. La senteur des pins glissait autour de lui dans l'air humide. Des feuillages bruissaient dans l'ombre. Du fond de la gorge montait le tumultueux grondement du torrent, grossi par les pluies presque continuelles des dernières semaines. Raymond, penché sur la balustrade, offrait son visage devenu brûlant à la fraîcheur mouillée de l'abîme. Il frissonnait sous la violence de cette révélation. Une joie brûlante l'envahissait, éloignait pour un moment tout ce qui n'était pas cette chose merveilleuse, son amour pour Ariane. Les forces affectives de sa jeunesse, dédaignées par Paul, revivaient avec une violence qu'elle n'avait jamais connue. Non, jamais Paul n'avait soulevé en lui semblable tempête. Il avait aimé, cependant, tendrement, sincèrement. Mais ce n'était pas ainsi, ce n'était pas cet élan fougueux qui faisait bondir son cœur, ni cette ivresse de tout son être. Il s'écarta de la balustrade, se laissa tomber sur un banc et prit son front entre ses mains. Son éducation, si fortement chrétienne, l'avait accoutumé à se mettre en face de sa conscience et lui donner cette maîtrise de soi-même qui élève un homme au-dessus des autres, plus ou moins esclave de quelque passion. Il essayait donc maintenant de se ressaisir. Ce fut une lutte silencieuse en cette âme d'homme. Ariane y était entrée insensiblement par son charme physique, mais plus encore par les qualités rares et séduisantes de sa nature, peut-être aussi par cette confiance qu'elle lui témoignait très simplement. Là où il n'avait reconnu jusqu'ici qu'une sympathie grandissante, il découvrait tout à coup l'amour impossible. Car il ne pouvait épouser Ariane, l'incroyante, dont l'éducation n'avait eu aucune base morale et différait en tout de celle qu'il tenait à trouver chez sa future compagne. Il pensa. Elle changerait peut-être. Sa nature paraît si bonne, si droite. Et elle souffre de ce vide qui existe en son âme. Peut-être. Est-il raisonnable d'asseoir cette œuvre primordiale que représente la fondation d'un foyer sur une hypothèse aussi légère? Avait-il le droit de se lancer dans cet inconnu? La voix de la raison, de la conscience, disait « non ». Il se leva et fit quelques pas sur la terrasse. Ses artères battaient avec violence. La lutte continuait, rude et poignante, dans l'âme un instant obscurcie où la passion bouillonnait. Après tout, en dépit de son éducation, ne valait-elle pas mieux que Paul, cette loyale Ariane? Elle avait du cœur un jugement ferme et clairvoyant. Elle dédaignait la coquetterie et restait irréprochable dans un milieu qui ne l'était pas toujours. Ses qualités fondamentales permettaient d'espérer une transformation morale sous l'influence du mari. Mais quoi, lui, le croyant, et qui, par ce fait, devait donner l'exemple aux âmes plus faibles, il envisageait donc la perspective d'épouser une femme élevée dans l'athéisme? À l'avance, il voyait le reproche douloureux dans les yeux de sa mère, il entendait la voix triste qui disait « Toi, Raymond, toi !» Un frisson le secoua. Du fond de son âme, il cria « Secourez-moi, vous qui êtes toute force et toute puissance !» Crispant de nouveau ses mains à la balustrade de sapin, il penchait vers l'abîme son visage brûlant pour en recevoir la fraîcheur. Maintenant, il commençait à se ressaisir. Son âme tremblait encore du violent assaut qu'elle venait de subir, mais elle se redressait pour reprendre la rude voie du devoir. Ariane ne pouvait être sa femme, il devait refouler cet amour, le faire mourir en lui. Mais tandis qu'il revenait vers la maison, dans l'allée de pin où la lune glissait un peu de sa pâle lumière, il songeait avec un frisson d'angoisse « Si, du moins, je pouvais ne pas la revoir !» À la rentrée, cette année-là, Maître Évène prit un secrétaire. Car les affaires lui arrivaient en telle abondance qu'il ne pouvait plus suffire à la tâche en dépit d'une rare faculté de travail. De nouveau, les salles d'audience retentirent de son éloquence chaude et puissante. De nouveau, il rencontra Ariane Daubré et s'entretint avec elle de questions professionnelles en de rapides colloques qu'il abrégeait sans affectation. Chez lui, il prenait prétexte de ses occupations pour ne point paraître lorsqu'elle venait voir ses parents. Et jamais ceux-ci n'insistaient. Il menait une vie de travail intense et s'intéressait avec un zèle apostolique à ses clients pauvres. Ainsi, il réussissait à tenir en bride ce sentiment né en lui en son insu et qui serait long à mourir. Mais chacune de ses rencontres avec Ariane réveillait la souffrance mal assoupie. Deux ou trois fois par semaine, Mademoiselle Daubré venait passer une heure au pavillon. Elle lisait des poèmes au colonel et causait ensuite avec ses hôtes. Sa gaieté, son esprit, enchantait le colonel. Madame Évène semblait apporter un intérêt profond à la conversation qui touchait tous les sujets. La belle sincérité d'Ariane n'apparaissait jamais en défaut. Très simplement, elle donnait son opinion. À son tour, Madame Évène développait la sienne. Ariane l'écoutait avec un regard attentif. Elle disait parfois « Je vous envie de penser comme cela ». Elle venait maintenant à la fin de l'après-midi, le colonel ayant reconnu que la lecture, le soir, l'agitait pour la nuit. Dans le grand salon où se groupaient les vieux meubles de la famille, sa jeunesse et son charme répandaient comme un reflet de joie. Elle avait pour ses hôtes de petites attentions discrètes et montrait en toute occasion un tact très délicat. Madame Murillon, qu'elle voyait souvent, car elle continuait de lui envoyer des clients, vantait sa bonté, sa patience pour les indigents qui venaient la consulter. Au palais, on commençait à dire « Eh, eh, elle sera quelqu'un, mademoiselle Daubré !» Ces plaidoiries, sous leur inhabileté, laissaient prévoir un joli talent de parole et une argumentation très ferme. Généralement, si peu intéressante que fût l'affaire où elle paraissait comme défenseur, le banc des avocats était plein. À la sortie de l'audience, elle se trouvait toujours très entourée de confrères empressés à lui présenter leurs compliments. Un seul n'était jamais là. Cette abstention se remarquait d'autant plus qu'on savait Ariane en relation avec la famille Even et qu'on la voyait parfois causer amicalement avec Raymond au cours des suspensions d'audience. Dans tout le palais, on les déclarait inévitablement destinés à devenir amoureux l'un de l'autre. Ils n'échappaient point aux observateurs qu'Ariane cherchait toutes les occasions de s'entretenir avec lui et que, dans ses rapides causeries, elle l'écoutait avec une physionomie attentive, comme absorbée, qu'on ne lui voyait pour personne d'autre. Quant à Even, il semblait impossible qu'il résistât au charme d'Ariane si elle voulait le conquérir. Sa réserve, son absence des salles d'audience où plaidait mademoiselle Daubré, le soin qu'il mettait à ne jamais l'aborder le premier à moins de nécessité professionnelle, tout cela était considéré par beaucoup comme une habile manœuvre destinée à cacher son amour pour elle. Les natures ordinaires ont toujours peine à admettre l'exception que représente une supériorité morale. Elle n'y croit qu'à demi, elle n'y croit plus du tout quand elle pense découvrir un indice donnant raison à leurs doutes. Si aimé, si estimé que fût Even, il était jalousé de beaucoup, peut-être moins encore pour son talent et ses qualités physiques que pour ses principes, cette dignité de vie qui complétait si bien sa belle physionomie morale. Parmi ceux-là, certains se plaisaient à imaginer chez lui cette hypocrisie et en insinuer l'idée aux autres. Dans ce nombre était Ferdinand Daubré. Il haïssait Raymond pour ses succès, pour son dédain, pour la forte beauté de son âme. Il le haïssait pour tout, sournoisement, et s'acharnait dans l'ombre contre lui. On parlait beaucoup de son ménage qui se disloquait, assurait-on. La jeune femme, probablement pour oublier ses dures désillusions conjugales, continuait de mener la vie mondaine la plus enfiévrée. On la voyait partout, très élégante, d'une indifférence aimable, recevant avec grâce les hommages masculins. Daubré ne l'accompagnait presque jamais. Il menait une existence à part et les deux époux en étaient arrivés à vivre presque en étranger. Au mois de février, le procès d'Arcier vint aux assises. On venait de découvrir que Madame d'Arcier avait eu comme complice une servante placée par elle chez sa vieille parente. Cette femme, dénoncée par un autre domestique, avait à son tour accusé la cousine de son ancienne maîtresse, sur laquelle s'étaient déjà portés les soupçons à la suite du procès Vallier. Madame d'Arcier avait pris comme défenseur Maître Ferdinand Daubré, la servante avait choisi Ariane. Maître Even, avocat de la comtesse de Chamerade, se trouvait ainsi en rapport plus fréquent avec Daubré et sa sœur, rapports également pénibles pour des raisons bien différentes. Avec Ferdinand, il restait d'une correction glaciale. Les deux hommes n'échangeaient que les paroles strictement nécessaires et, d'un accord tacite, évitaient les rencontres non indispensables. Il ne pouvait en être ainsi avec Ariane et Raymond prévoyait de nouvelles luttes d'âme, de nouvelles souffrances. Il dut se rendre vers la fin d'un après-midi chez elle pour avoir communication d'une pièce de son procès. Elle venait de rentrer et apparut en toilette de sortie dans le cabinet où la femme de chambre avait introduit Raymond. Il la vit devant lui, si discrètement élégante dans son manteau de velours noir garni de petits gris, toute souriante, avec une vive clarté au fond des yeux. Ses joues gardaient encore la teinte rosée que l'air froid du dehors y avait répandue. Très à l'aise, très simple, elle s'entretint avec Even du sujet qui amenait celui-ci. Raymond, dominant sa violente émotion, s'efforçait de s'abstraire dans le domaine professionnel. Mais il ne pouvait aveugler son regard qui rencontrait sans cesse le visage d'Ariane et les yeux d'un violet si chaud dont la lumière l'éblouissait. Le jour baissait. Les angles de la pièce devenaient obscurs et l'ombre gagnait le bureau, enveloppait Raymond et Ariane, pâlissait les petites plumes délicatement nuancées qui formaient sur les cheveux bruns une toque d'une sombre élégance. Au-delà des vitres voilées de tulle diaphane, le ciel, gris tout le jour, apparaissait couleur de lin avant de s'évanouir dans la nuit. Raymond rangeait ses papiers dans une large serviette de maroquin ouverte sur ses genoux. Ariane songeait, un peu renversée dans son fauteuil. Elle penchait légèrement la tête en regardant Raymond. Comme il refermait la serviette, elle demanda « Avez-vous vu Paul depuis quelque temps ?» Il releva la tête en répondant « Non, pas depuis plusieurs mois. La veille du 1er janvier, elle est venue voir mes parents, mais je n'y étais pas. Ma mère l'a trouvée très changée. » « Elle l'est en effet. La vie mondaine use sa santé, qui n'est pas très forte, et il s'y joint en outre de dures désillusions. Saviez-vous qu'on commence à parler de divorce ?» Raymond sursauta. « De divorce ? Mais Paul ne peut y songer. » Ariane eut un léger rire d'ironie. « Oh, ses convictions ne sont pas enracinées comme les vôtres. » Les théories de Ferdinand, les influences mondaines, ont eu vite fait, sa faiblesse de caractère aidant, de changer ses idées sur ce point-là, comme sur bien d'autres. Je ne crois pas qu'elle pousse jusque-là l'oubli des enseignements reçus. Quelque désillusion qu'elle m'ait causée, je veux du moins penser que sa foi se réveillera pour la délivrer de cette tentation. » Ariane secoua la tête. Ses doigts effilés jouaient avec le petit sac de soie perlé qu'elle avait posé en entrant sur le bureau. Elle reprit, après un court silence, « Ferdinand a d'innombrables torts. Paul a celui de l'avoir épousée en connaissance de cause. Mais je ne crois pas qu'elle l'ait réellement aimée. Maintenant, elle l'exècre. Elle vous l'a dit ?» « Non, elle ne me dit rien de ses ennuis, car nos relations sont très froides depuis son mariage. Mais je l'ai compris. D'ailleurs, sa mère ne se prive pas de le laisser entendre. » Raymond murmura. « Pauvre Paul !» Ariane se redressa un peu et se pencha vers lui. « Vous la plaignez vraiment, sincèrement ?» Mais avant que Raymond eût pu répondre, une main faisait le geste de se poser devant ses lèvres. « Non, non, oubliez ma question. Devais-je vous l'adresser à vous, dont je connais l'âme sincère ? Quelle sottise de ma part ! Vous êtes le seul homme dont la parole me donne confiance absolue. » Quel terrible et délicieux émoi le pénétrait tout à coup jusqu'au fond de l'être. Devant lui, il y avait ce visage palpitant, ce merveilleux regard qui lui disait éloquemment l'estime enthousiaste, l'admiration d'Ariane, peut-être même plus que cela. Elle répéta « Vous êtes le seul !» Raymond, pendant quelques secondes, eut l'impression que sa vie était suspendue, que son cerveau ne fonctionnait plus, qu'il sombrait dans une sorte d'ivresse. Il murmura « Ariane !» Mais le nom, prononcé dans un souffle, dépassa à peine ses lèvres. Il détourna son regard, réussit à affermir sa voix pour répliquer, sur un ton de banale courtoisie, « Vous êtes trop bonne, mademoiselle, de me dire cela. Je vous suis très reconnaissant. » Il se levait en parlant. Ariane l'imita. Ils échangèrent quelques phrases machinales dont il n'aurait pu dire le sens une minute plus tard. Leur voix n'avait plus que les inflexions accoutumées. Raymond prit congé d'Ariane en serrant légèrement la main qu'elle lui offrait. Il sortit et elle resta seule dans la pièce assombrie. Elle s'approcha de la fenêtre. À peine distinguait-on encore la façade du pavillon. Des fenêtres s'allumaient au rez-de-chaussée. Ariane y attacha son regard, devenu aussi sombre que toute cette nuit qui arrivait. Une porte s'ouvrit derrière elle sans qu'elle se détournât. Un pas lourd pesa sur le tapis. Ariane eut un léger sursaut en sentant une main qui se posait sur son épaule. « Eh bien, je t'y prends, belle rêveuse !»« Ah, c'est toi !» Elle se détournait en attachant sur son frère un regard aussi froid que sa voix. « Oui, c'est moi, charmante sœur. J'espère que je ne te dérange pas. « Maintenant qu'Evan est parti, Je viens de le rencontrer dans l'escalier. » En effet, il venait me demander communication d'une pièce. Daubré fit entendre un léger sifflement. Le prétexte est toujours bon et sauve les apparences. Elle le toisa en demandant d'un ton sec « Que veux-tu dire ?» Il eut un rire d'ironie en donnant une tape légère sur le bras de sa sœur. « Allons, ma chère enfant, reconnais donc bien simplement que le bel Évène ne t'est pas indifférent et que toi, de ton côté... » Elle s'écarta d'un brusque mouvement, les sourcils froncés, la bouche durcie. « Ah, c'est cela que tu imagines ?» Sa voix vibrait d'irritation méprisante. « En ce cas, tu te trompes complètement. Nous n'avons toujours eu, nous n'aurons toujours, Évène et moi, que des rapports professionnels et les relations d'amitié habituelles entre confrères qui s'estiment. Mais s'il en avait souhaité d'autres, il n'aurait pas cherché à les dissimuler, car un homme comme lui n'entretient que celle qu'il est en droit d'avoir. » Ferdinand ricana. Il fit quelques pas et manœuvra un interrupteur. La lumière se répandit dans la pièce, autour du frère et de la sœur, debout en face l'un de l'autre. « Ah ah ! Il me semblait bien, chère sœur, que nous avions une toilette exquise, absolument exquise, et qui met fort en valeur votre beauté. Ce chapeau en particulier est tout à fait réussi. Sapristi, si Évène a résisté, je le proclame l'être le plus extraordinaire que la terre ait porté. Mais non, il est bien vaincu, ou sur le point de l'être. N'est-ce pas, ma belle Ariane ?» Elle dit avec un froid mépris. « Oui, tu ne peux imaginer une âme comme la sienne, toi. Toi qui n'as plus rien de bon, rien de sain dans le cœur. Tu ignores ce que c'est qu'un homme plus fort que ses passions, plus fort que la vie qui bouillonne en lui, plus fort que tout, lorsque le devoir est là. Mais instinctivement, comme un perpétuel reproche à tes faiblesses méprisables, et tu cherches à le rabaisser. Tu n'y réussiras pas, je t'en préviens. » Daubré laissa échapper un rire sardonique. « Eh bien, ce que tu l'aimes, celui-là, il n'aura qu'un mot à dire pour que tu tombes dans ses bras. Le devoir ? Ha ha, tu m'amuses, il ne comptera pas plus pour lui que pour d'autres, en ce cas. » Elle l'interrompit en lui saisissant brusquement le bras. « Tais-toi, un être de ta sorte ne peut croire, en effet, à la beauté morale, à la délicatesse d'une âme telle que celle-là. Mais j'ai pour cette âme une telle admiration, j'estime à un si haut point Raymond Évène, que même si je l'aimais et s'il m'aimait, je reculerai toujours devant l'idée d'être cause d'une défaillance chez cet homme qui en souffrirait tant et qui en serait diminué à mes yeux. » Voyant l'ébahissement dont témoignait la physionomie de son frère, Ariane eut un petit sourire méprisant. « Cela te dépasse ? Tu te dis que j'oublie les faciles principes dans lesquels on m'a élevé, comme toi ? Que veux-tu ? J'ai besoin, pour vivre, d'un peu d'air pur. Maintenant, va-t'en, Ferdinand. Je n'aurai pas, ce soir, la patience d'écouter ce que tu viens me dire. C'est à propos de l'affaire d'Arcier ?» Il fit un signe affirmatif. Sous les paupières molles, ses yeux surpris et curieux examinaient Ariane. « Eh bien, reviens demain matin à l'heure que tu voudras. Je n'ai pas à sortir. Soit, j'espère que vos nerfs seront calmés, belle capricieuse, et je ne me risquerai plus à prononcer encore le nom de l'intangible Évène. Tu le défends avec trop de chaleur. » Elle riposta froidement. « Je t'engage, en effet, à ne pas renouveler des propos de ce genre. » Il lui prit la main en demandant « Tu m'en veux ? Je t'en voudrais toujours de ne pouvoir t'estimer. » Elle se dégagea, tandis que Daubré laissait échapper un ricanement léger. Décidément, le farouche honneur d'Évène déteint sur toi. Je crois d'ailleurs que tu fréquentes aussi sa mère. Prends garde de trop bien imiter cette austère dame. Madame Évène n'est pas austère et elle est la femme que j'estime le plus au monde. Au revoir, à demain. » Il sortit et Ariane revint au bureau. Elle s'assit lentement. Un rêve brûlant et triste emplissait les yeux qui s'attachaient sur le fauteuil où s'asseyait tout à l'heure Raymond. Ses épaules frissonnèrent. Elle étendit les mains en les joignant et jeta d'une voix assourdie, comme un cri d'appel désolé, « Even ! Even !» Le jeune visage palpitait sous la fuse de la douleur. Les yeux se couvraient d'un voile humide. Ariane, qui avait dit un jour à Raymond qu'elle ne pleurait jamais parce qu'il y avait trop d'occasions de le faire dans la vie, Ariane pleurait.